souvent t'es seul, quand ça va mal, tu te saoules. Des coups d'alcool pour tout oublier, souvent je pense à boire quelques coups, à mettre quelques coups. On finit par y croire, souvent du mauvais côté de la barrière. Je pense à mettre tout ça derrière, le passé me rattrape. Souvent je pense à changer, dans ma tête je suis un peu dérangé. Souvent je pense à voir le bout du tunnel, je me retrouve dans une impasse. Pèse le poids de mes erreurs, je veux pas finir dans les flammes. Souvent je pense, faut pas que j'acte sur mon billet. Même qu'à choupe, la relève FDLR avant que la vie nous met une claque. Souvent je pense à pas me retrouver à la case départ. Viré au mal, j'ai la haine, c'est le quartier. Ton pote il est parti pour une histoire banale, faut pas que j'acte. Souvent je pense, le bon vieux temps porte ses fruits pour une génération en vrille. Je pense, ça bosse pendant que d'autres sommes. De nos jours mon pote à la haine quand j'ai la somme. Souvent je pense, t'as doucé un pilon, un verre d'alcool. Une pensée pour Cosmo Gal, Rimka qui décolle du sol. Souvent je pense, trop violent au volant, à la Zaskar ou Bimara sous un volant. Souvent j'y pense, j'oublie, repense à mes soucis. La vie nous tient en sursis, deux jours comme deux. Souvent j'y pense, mille neurones se dépensent. J'cogite jusqu'à en plonger dans la conscience. Souvent j'y pense, j'oublie, repense à mes soucis. La vie nous tient en sursis, deux jours comme deux. Souvent j'y pense, mille neurones se dépensent. J'cogite jusqu'à en plonger dans la conscience. Souvent je repense à mes frères et sœurs partis trop tôt, victimes de maladies, de crash en auto ou moto. J'me dis que tôt tard sûr arrivera mon tour. J't'assure que la mort on la détourne pas. Tout se bouscule dans ma tête, je pense et repense à mon enfance, quand mon daron me défonçait. Aujourd'hui je dis que c'est bien fait pour ma gueule, sinon j'aurais pas connu le mot respect. Souvent je repense que la vie était plus cool à l'école de l'époque primaire. Y'avait pas tous ces genres, aujourd'hui c'est la merde. Je pense à me poser, marier, c'est là que ma vie va vraiment démarrer. Quand je repense à mes souvenirs, à mon ami Ruka, brave comme un bonhomme, le sourire relève et le rêve de réussir. Souvent je me dis, si j'avais pas CDB, qu'est-ce que je ferais? Je pense que je serais derrière les barreaux, je pense que je coûterais les années, les mois, négro. Souvent je repense à ces jours-ci, assis à l'amour, à réfléchir à mon avenir, réussir ou mourir. Souvent je pense à tous mes frères qui sont partis, c'est triste mais on garde le sourire. Au combat pour nos familles qui endurent, qui souffrent, qui sont près du gouffre. On ira au sommet, Inch'Allah. Souvent j'y pense, j'oublie, repense à mes soucis. La vie nous tient en sursis, deux jours comme deux. Souvent j'y pense, mille neurones se dépensent. J'cogite jusqu'à en plonger dans la conscience. Souvent j'y pense, j'oublie, repense à mes soucis. La vie nous tient en sursis, deux jours comme deux. Souvent j'y pense, mille neurones se dépensent. J'cogite jusqu'à en plonger dans la conscience. Souvent je pense à te mettre une balle dans la tête. Mais prendre, tiens un speech pour un deb comme toi, non c'est pas la peine. Pas la dans peine. La vie c'est soit tu brasses, soit tu creuses, soit tu fondes une famille et tu casses. Soit tu pètes une case et fais face au mur, soit tu me fais la passe et je marque le but. Soit tu me passes le mic et j'assure tes arrières. Clic, clic, clic, FDLR. La paix j'y pense constamment, trop souvent je suis pas dans la guerre écrit en sang dans mon testament. Mon frère Stylo bled et ses deux enfants qui a besoin d'aide dans pour écrire sa vie sur cette feuille blanche. Souvent je pense à la prison et au maton. Je veux pas le milieu aucun, donc on me respecte, bande de petits cons. La mort ma vie non accomplie, non remplie. L'écorce de mon âme noircie de péché avant j'en pile. Je pense à comment m'en sortir, je me crée des soucis. Je pue le roussi, les problèmes me suivent comme des rookies. Je pense à me barrer, mais j'ai les pieds bétonnés. Il me reste plus que la télé, le rap pour m'évader. Souvent je pense à comment les gens pensent, je pense ce sentiment en me disant que les sentiments n'ont aucun sens. Me mets dans ma pensée artiste des temps moderne, mathématique encore plus fort que la fontaine. Souvent on y pense à faire du cash, je traîne souvent dans les parages. Des garpies, toi et des gars, sinon on occupe la pente. Maîtrise les goûts tordus, on te fait ravaler ta langue. Si devant les chemises on a entendu que t'allais pas. Eh négro, on est OP comme des automatiques. Souvent on y pense à faire une bavure, on agit tous en cas de couture. Un jour c'est sûr, ça va barder. Bah ouais, comme un bon plat, 20 pattes m'a fait. J'cogite pas trop, non. Souvent on y pense, soit t'es bien, c'est lui le patron. Tranquille, ça fait du rap, la justice nique sa mère, y'a rien. Souvent j'y pense, j'oublie, repense à mes soucis. La vie nous tient en sursis, deux jours comme deux. Souvent j'y pense, mille neurones se dépensent. J'cogite jusqu'à en plonger dans la conscience. Souvent j'y pense, j'oublie, repense à mes soucis. La vie nous tient en sursis, deux jours comme deux. Souvent j'y pense, mille neurones se dépensent. J'cogite jusqu'à en plonger dans la conscience.